Faut couper en fourné, accepter qu'on y fait. Au monde en y entend, tant, tant, tant, pour y chanter la vie. Au monde en y entend, oui, oui, fini exploiter. Café.